Retour sur ma retraite en confinement. Donc, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne de YouTube dans laquelle j'annonçais que j'allais tirer profit de la période présente de confinement pour vivre une retraite pendant la fin de semaine de Pâques, composée de plusieurs jours. Et comme à la différence des autres années, ben, je n'allais pas visiter ma famille, la famille de ma compagne, mais que je restais chez moi, eh bien, j'ai décidé de tirer profit de cette opportunité pour vivre une retraite. Puis d'ailleurs, dans cette vidéo-là que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, je proposais des activités. Donc, j'en avais identifié plusieurs à effectuer, histoire de me tenir occupé. Et aujourd'hui, ben, je fais un retour sur cette expérience que j'ai vécue, qui visait à me retirer des médias de masse. C'est-à-dire que pendant cette période-là, j'ai pas écouté de médias là, comme la radio, la télévision, les canaux là, comme TVA, Radio-Canada. Donc le but de la particularité de cette retraite, c'était de faire ça, vraiment une pause, puis t'as déjà commencé avant pour me dégager de tout ça. Donc, c'est pas une retraite ici dans le sens traditionnel. La personne, par exemple, va dans un monastère, là, passer quelques jours, puis est coupée totalement de la civilisation, parce qu'en réalité, je continue d'aller sur YouTube, Facebook, mais c'est tout simplement me limiter là, par rapport aux médias de masse, puis aussi mettre ça sur pause dans ma vie. Parce qu'après tout, le premier ministre du Québec, François Legault, a décidé de mettre le Québec sur pause, et puis moi, individuellement, j'ai décidé de mettre les médias dans ma vie sur pause. Pourquoi pas? Donc, ça a été à ce niveau-là essentiellement. Puis aussi, ça a été une retraite de la consommation de nourriture sur le plan matériel. Et c'est dans un esprit de partage là, que je vous parle. C'est sûr que je vais mettre beaucoup l'accent sur le jeûne que j'ai connu pendant 3 jours, parce que c'était une première pour moi. Donc, c'est sûr que d'entrée de jeu, ce que je mentionne aux gens qui m'écoutent, naturellement, là, le jeûne, c'est pas pour tout le monde. Donc, il faut faire preuve de discernement avant d'en entamer un. Donc, ceci dit, ce que j'ai expérimenté, c'est un jeûne à l'eau de 3 jours qui s'est déroulé du 9 au 12 avril 2020. Alors, il a débuté le premier jour, le jeudi 9 avril, où j'ai pris un dernier repas le midi. Par la suite, le vendredi, samedi, puis le dimanche jusqu'à 18h, où là, je me suis permis de souper, là, prendre un repas à ce moment-là pour mettre fin au jeûne, mais c'était un repas qui était léger. Donc, pour faire une transition progressive vers une réalimentation, donc c'était essentiellement des liquides, puis j'ai mangé, c'était 2 tranches de pain là, avec la sauce à spaghetti, là, donc c'était quand même fin de transition, là, c'était pas un gros repas. Et donc je vais vous donner des détails en lien avec mon jeûne, donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse, là, naturellement, moi l'objectif de tout ça, c'est sûr, c'est que c'était une expérience pour moi, là. Je faisais pas ça pour la paix dans le monde, je faisais pas ça pour guérir des lépreux ou en relation avec une cause humanitaire. Non, je faisais ça pour une compréhension plus grande de mon corps, comment qu'il réagit par rapport à l'absence de nourriture physique. Donc, dans une optique de connaissance de soi au niveau physique, d'exploration personnelle. Donc, essentiellement, ce que j'ai observé par rapport à mon niveau d'énergie, c'est que le premier jour là, où que j'ai arrêté de manger, là, le lendemain, j'étais plein d'énergie. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait beaucoup de marches à l'extérieur, j'ai fait du ménage dans le logement où je réside. Et je vous dirais même que j'avais plus d'énergie qu'une journée habituelle où je mange. Donc, ça, c'est l'observation que j'ai faite, puis corroborée aussi par d'autres expériences de jeûne plus courts, des jeûnes d'une journée et demie que j'avais fait dans le passé, où au début du jeûne, il y a une hausse d'énergie. Deuxième journée, l'énergie diminue un petit peu, mais j'étais quand même assez en forme pour marcher. J'ai marché plusieurs fois pendant la journée sans problème. Et troisième journée, mon énergie était un petit peu plus faible. Donc, j'ai marché dehors, puis là, je sentais que c'était un petit peu plus faible, mais j'en avais encore. Pour ce qui est du sommeil, les deux premiers jours de mon jeûne, les deux premières nuits, j'ai dormi comme d'habitude, aucune différence. Par contre, le troisième jour, là, je sentais que le sommeil était un peu plus léger. Je me réveillais plus fréquemment pendant la nuit. D'ailleurs, le lendemain matin, je me sentais plus fatigué, là. Donc, c'est ça pour ce qui est d'un autre aspect. Là, c'est sûr que ici, je me permets de dévoiler des choses. Je vais vous donner des détails quand même assez personnels, mais je pense que c'est important d'être capable de regarder tous les aspects que peut impliquer le jeûne. Donc, l'un des aspects, ben, c'est sûr, c'est au niveau de la laine. Ce que je pourrais dire, c'est qu'à partir du deuxième jour, là, tranquillement, il y avait comme une mauvaise haleine qui s'installait. Premier jour, pas de différence. Deuxième jour, un petit peu plus, on sentait, ben, dans le fond, moi, j'étais tout seul. Ma compagne n'était pas là parce qu'on ne vit pas ensemble, donc elle était confinée chez elle, fait qu'elle ne pouvait pas à souffrir, là. Mais légèrement, là, la distinction que je voyais au niveau de la haleine, c'est que il y a comme un goût qui me revenait en bouche. Comme s'il y avait des gaz intestins qui remontaient dans la bouche, mais un petit peu, là, pas autant que si, par exemple, j'aurais vomi et il y aurait eu des éléments de l'estomac qui auraient été régurgités par ma bouche, puis ma bouche aurait été imprégnée de tout ça, là. C'est pas tout à fait comme des sucs gastriques venant de l'estomac qui auraient sorti de la bouche, pas autant, mais quand même un petit peu. Même chose pour la troisième journée. Pour ce qui est de l'urine, bien, c'est sûr qu'elle devient plus transparente au fil de jour. Étant un jeûne à l'eau, bien, progressivement, l'urine devenait transparente comme de l'eau. Donc, c'est sûr que c'est bien parce que ça permet de nettoyer les reins. Pour ce qui est des selles, des excréments, bien, ce qui est particulier, c'est que après mon repas du jeudi, le dîner, dans les heures qu'on suivi, les 24 heures qui ont suivi, la journée qui a suivi, je n'ai pas été aux selles. Puis je ne suis pas retourné au sel avant, parce qu'après ça, j'ai pris un repos le dimanche soir, puis ça a été à lundi matin que je suis retourné au sel. Donc, il y a eu un délai. C'est comme si, une fois que, après le repas de jeudi, du midi, je n'ai pas mangé le souper, tout de suite, le corps physique s'est mis en conservation, puis en cherchant à optimiser tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui comme mécanisme de défense par rapport à la situation. Donc, ça m'a donné cette impression-là. Donc, le corps, avec le fonctionnement des intestins, était sur pause. Fait que c'est sûr que c'est intéressant à regarder parce que la première journée, j'avais plus d'énergie que si, par exemple, j'avais mangé du spaghetti qui comporte des sucres lents. Donc, la digestion est lente. Donc, ça crée de la fatigue, ça crée une lourdeur. J'avais plus de temps disponible. Pas besoin de préparer des repas, pas besoin de faire la vaisselle. Ensuite, moins de temps de digestion. Ensuite, ça me demande moins de temps pour aller déféquer la nourriture absorbée. Fait que vous voyez, quand on mange pas, ben on économise beaucoup de temps. Donc, ça, c'est des constatations que je fais. Sinon, pour ce qui est des lèvres, ben, à partir du troisième jour, je commençais à avoir les lèvres déshydratées, les lèvres sèches. Fait qu'il fallait que je les réhydrate avec de l'eau. Puis à partir du deuxième jour, troisième jour, ce que je voyais, là, c'est que j'avais plus froid facilement qu'à l'habitude. Puis c'est sûr que j'avais maigri un petit peu, là. J'avais un petit peu moins de graisse aussi, comme constat. Donc, cette expérience-là, ben là, je vous ai partagé des observations physiques en relation avec ça. Puis, comme constat que ça m'a amené, de vivre cette expérience-là de jeûne, ben ça m'a amené à dépasser certaines croyances qui m'avaient été communiquées. Comme par exemple, quand que j'étais jeune, là, si je sautais un repas, là, ma mère avait peur, elle dit « Ah, ben là, tu vas être fatigué, tu vas être faible, t'as pas mangé. » Puis, tu sais, c'était comme grave puis dramatique, mais non. L'expérience de jeûne m'a déconditionné. Puis là, comme ça fait trois fois que je fais des expériences de jeûne, deux fois une journée et demie, puis là, trois jours, ben là, je réalise qu'après une journée, là, je suis autant en forme, même plus que si je n'avais pas mangé. Fait que ça me sort du conditionnement, puis de la peur que, ah, ben là, si je manque un repas, c'est terrible, puis je vais ramper sur le plancher. Mais non. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à travers l'expérience, ça m'a permis de confronter des fausses croyances qui m'ont été inculquées par ma famille, mon environnement. Dans le fond, remettre les choses en contexte à travers un vécu sur le plan expérimental qui me permet de voir concrètement comment mon corps se comporte. Donc, ça participe à connaître une forme d'émancipation de croyances, de déconditionnement. Et puis, c'est sûr que par rapport au jeûne que j'ai fait, étant donné que je vis seul en logement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, mon objectif, c'est faire 3 jours de jeûne. Si à un moment donné, je me sens faible et qu'il faut que je mange absolument, ben je me suis mis de la nourriture prête. J'avais même fait une grosse épicerie avant d'entamer le jeûne à proprement dit, au début du jeudi après-midi, pour faire face à la situation. Puis aussi avoir du jus là, pour m'hydrater, du jus sucré pour faire la transition alimentaire. Donc, je me mettais dans une situation où ce que mon réfrigérateur était rempli de nourriture, mais il fallait que j'aie la volonté de ne pas manger. Puis, c'est sûr que pendant la période de jeûne, à certains moments donnés, il venait en tête l'idée de manger. J'écoute un film, puis là, je vois du monde qui mange, ça me ramène à ça. Donc, ça demande une volonté de persévérer dans un mouvement, donc au niveau de l'ego. C'est ce que j'ai expérimenté. Et puis, c'est sûr que sinon, par rapport à l'expérience, ben tout le long, je vous dirais que ça n'a pas eu d'impact sur mon fonctionnement cognitif, mon fonctionnement intellectuel, dans le sens que à chacune des journées du jeûne, j'ai fait des entrevues avec des gens. Vendredi, j'ai fait une entrevue avec Mona. Samedi, avec Isabelle. D'ailleurs, avec elle, je vais la mettre éventuellement en ligne. J'aborde le concept de colère créative. Mais ça va être un enregistrement que je vais... J'en dis pas plus là-dessus pour l'instant. C'est un enregistrement que je vais mettre, en vente. Mais il y aura un extrait promotionnel pour le public. Donc, ça vise à être une étude privée pour les gens qui sont vraiment concernés par la conscience supramentale. C'est un enregistrement qui s'adresse aux initiés. Donc, des gens qui sont initiés par la vibration de leur esprit à apporter des changements dans leur vie. Donc, ça s'adresse à un public restreint parce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il y a des trucs que je fais pour le public en général. Donc, puis c'est correct aussi que ça soit comme ça, qui me permet de me faire connaître. Mais il y en a d'autres qui visent à aller plus loin dans certains contenus. Et c'est sûr que parler de colère créative... De parler de ça à quelqu'un sur le bord de la rue, peut-être ça peut être mal interprété ou comprendra pas ce que je veux en venir avec ça. Donc, c'est pour ça que je garde ça pour un public un peu plus restreint. Et pour ce qui est de dimanche, j'ai fait un entretien en compagnie d'Annick. D'ailleurs, je l'ai mis en ligne récemment. Et par la suite, en faisant ces entretiens-là à chaque jour, donc des entrevues, ça demande de la concentration, ça demande une capacité de parler, de communiquer. Donc, en m'ayant cédulé des rendez-vous pendant cette période-là de retraite, c'était pas une retraite fermée, hein, t'sais, c'était une retraite qui était ouverte sur les gens. J'étais en contact avec plein de personnes sur Internet, mais c'était fermé dans le sens que il y a pas personne qui rentrait chez moi, là. Donc, c'était dans ce sens-là. Et puis, pendant cette période-là, ben, en ayant des activités au niveau intellectuel avec des gens, qui implique des capacités intellectuelles. C'est sûr que je peux parler du supramental puis canaliser, mais ça passe quand même par mon intellect pour traduire la vibration. Donc, il fallait que je sois quand même alerte sur le plan cognitif, fonctionnel. Puis non, le jeûne n'a pas interféré avec mes capacités à la fois psychologiques et même psychiques parce que j'ai fait l'enregistrement, entre autres, là, avec Isabelle où j'étais dans une dynamique plus de canalisation là, avec elle, où elle m'accompagnait dans la parole en me posant des questions. Puis ça allait très bien. Donc, par rapport à ça, ben, ça me confirme que le jeûne n'interfère pas, entre autres, avec ma capacité à canaliser l'esprit et faire usage aussi de mes capacités cognitives. Et la beauté du jeûne, ce que je peux vous dire, c'est que ça donne plus de temps de disponible. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, notre vie est beaucoup tournée vers l'alimentation. À un moment donné, pendant le jeûne, je discutais avec ma mère au téléphone, puis elle me dit, ben là, il faut que j'interrompe la conversation, il faut que j'aille manger. Puis là, elle voyait que je continuais à parler, puis elle dit, toi, tu manges pas? Ben là, j'ai comme dit, c'est quoi? Je réponds pas à la question, quelque chose comme ça, parce que dans le fond, je veux pas nécessairement parler du jeûne, parce que bon, elle est pas concernée par ça. Mais tu sais, j'aurais pu continuer à parler. Bon, elle, c'est sûr, je l'ai laissé aller manger. Mais c'est drôle parce que ça m'amène dans une conscience où, pendant la période du jeûne, j'étais un petit peu comme une entité désincarnée du plan physique, en parallèle avec la réalité, où je vis en fonction de paramètres différents, dans le sens que je peux discuter avec quelqu'un pendant la matinée, la personne doit interrompre la conversation, dire « Ah, ben là, il faut que j'y aille, là, il est rendu midi, il faut que j'aille manger. » Puis moi, je peux rester en stand-by, la personne finit de manger, on reprend la conversation ensuite en début d'après-midi où on était rendu. Donc, il n'y a pas d'interruption. C'est comme si ma conscience est plus continue par rapport aux choses que je fais. Donc, le rapport aux gens, le rapport aux choses change à travers ça. Donc, ça, c'est une observation intéressante. C'est sûr qu'en tant que tel, le jeûne ne rend pas plus en contact avec l'esprit. Donc, c'est sûr que des histoires que le jeûne peut donner des capacités de vision particulières sur le plan psychique, etc. En tout cas, en ce qui me concerne, puis je vais être honnête avec vous, le contact que j'ai avec l'esprit lorsque je canalise n'a pas été augmenté par le jeûne. C'est sûr que le corps, lorsqu'il est en état de jeûne, il est différent. Il n'est pas alourdi par la viande, la nourriture en son sein, surtout s'il est carnivore. Ça crée, c'est sûr, une légèreté à l'intérieur du corps, le jeûne, mais en tant que tel, pour moi, ça ne permet pas plus de canaliser l'esprit, ou ça ne permet pas à la personne de connaître l'éveil de la conscience. Parce que sans ça, ça serait facile. Tu dirais à quelqu'un, va jeûner, puis tu vas devenir conscient. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que l'éveil de conscience, dans le sens que je l'entends, dans l'optique de l'intégration d'une vibration supramentale qui altère le fonctionnement psychique, crée une mutation, ça ne passe pas par le jeûne. Puis c'est pas l'ego qui le décide, c'est l'esprit qui descend à son temps. Ce qui veut dire que quelqu'un pourrait jeûner, là, pourrait faire un 3 jours, un 12 jours, un 21 jours, voire même un 40 jours. Mais si la personne n'a pas à vivre la fusion, elle ne vivra pas, là. C'est pas le jeûne qui va permettre ça, là. C'est pas non plus la prière ou la méditation. Par contre, le jeûne peut avoir comme utilité de libérer certaines peurs. Tu sais, quelqu'un qui a peur d'être faible, s'il manque un repas, deux repas, une journée, ben, puis la personne est très en forme une journée après, ben, ça élimine cette crainte-là. Puis, ça donne un sentiment de liberté. Comme moi, par exemple, suite à mes expériences de jeûne, j'en suis venu à la conclusion que si un jour, je vais revoyager, là, ben, c'est intéressant parce que ce que ça me dit, c'est que dans ma première journée de voyage, je suis pas obligé de prévoir d'aller manger à plusieurs restaurants sur mon parcours puis de me casser la tête avec l'alimentation parce que je peux fonctionner très bien sans nourriture. Bon, ben, à ce moment-là, si je fais un voyage, par exemple, de 2 jours, ça veut dire que ça allège mon voyage parce que je peux fonctionner, puis pour ce qui est de la première journée, en tout cas, être totalement cohérent, puis être capable de me déplacer, être actif physiquement. Tu sais, si je veux me déplacer à un endroit qui implique de marcher en nature, bien, je suis capable de le faire. Pendant que j'ai fait mon jeûne, j'ai marché au moins, pendant la première journée, j'ai fait au moins 3 heures de marche. Bon, à vitesse normale, là, j'ai pas fait de jogging ni couru, mais quand même, tu sais, ça me donne un bon indicatif tout de même. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça me donne de la marge de manœuvre si je me déplace pour voyager. Et puis aussi, le jeûne, ça a eu comme impact sur mon corps, c'est qu'ils connaissent une stimulation dynamisante, vitalisante, comme lorsque j'expérimente un nouvel entraînement physique. Parce que le corps a tendance à s'habituer à la routine. Donc, d'ailleurs, les gens qui sont des coachs, des entraîneurs vont nous le dire. C'est-à-dire qu'après un certain nombre de semaines, idéalement, il faut modifier le programme d'entraînement parce que les muscles du corps s'habituent. Puis là, il faut aller stimuler en complémentarité d'autres muscles ou aborder les mêmes muscles, mais en fonction d'autres angles d'approche. Et c'est un petit peu le même principe. Le jeûne sort le corps de la routine, puis créer une stimulation. Donc, la première journée de jeûne, j'étais très vitalisé parce que mon corps expérimentait quelque chose de différent. Donc, c'est un petit peu comme aller dans un nouvel environnement. Vous allez en voyage, comme moi, je pense au voyage que j'avais fait à un moment donné dans ma vie où j'avais été à Cuba. Bon, ben, première journée à Cuba, je suis très dynamisé par l'environnement. Je dors peu. Quoique là, c'était une dynamisation plus émotionnelle. Dans ma première journée de jeûne, j'ai quand même bien dormi, mais l'expérimentation du changement que connaît le corps en l'absence de nourriture physique a entraîné ça. Donc, c'est quand même intéressant à observer. Donc, ça revitalise. Le jeûne, ce que j'observe, c'est que ça revitalise. Sinon, par rapport aux activités que j'ai faites, parce que je m'étais fait une grosse liste avec plein de liens Internet que je vous avais déjà partagés dans une vidéo précédente où j'annonçais l'atelier du jeûne que j'allais faire. Eh bien, bon, j'ai fait des exercices de Qigong. Ensuite, c'est sûr que, dans le fond, ce que j'ai fait aussi d'intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que après la première nuit où ce que j'étais en état de jeûne, le vendredi matin, puis j'ai fait la même chose sensiblement le samedi aussi, c'est que je me suis réveillé tôt vers 5 heures du matin, faisant encore noir, et puis j'ai été à l'extérieur dehors, marcher. J'étais tranquille, j'étais tout seul. Habituellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui marchent à l'extérieur à 5 heures du matin dans les rues. Et puis, l'idée, c'était de voir la levée du jour. Et là, j'entendais les oiseaux à mesure que le moment se rapprochait ou que la lumière du jour apparaissait, la transition. Puis c'était être présent à l'environnement. Présent à la lumière, la luminosité qui augmente et au son des oiseaux. Ensuite, je me suis promené également proche d'une rivière à l'extérieur, écouter son son. Donc, c'est sûr que ça m'a nourri tout ça, ces expériences-là. Sinon, j'en ai profité aussi pour écouter des films. Si je pense entre autres au jeudi soir où j'ai entamé le jeûne, j'ai écouté de nouveau le film Le Pianiste qui date de 2002. Donc, c'est un de mes films préférés. Donc, si vous ne l'avez pas vu, là, je vous le recommande. Là. C'est un film intéressant pour montrer la force de volonté d'un individu à faire face à l'adversité, puis passer à travers. C'est l'histoire, en fait, c'est tiré de l'histoire vraie d'un juif qui a survécu en Pologne à l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui était un pianiste. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal se retrouve à un moment donné confiné seul dans un logement avec peu de ressources, alors que dans la société où il se trouve, ben tout lui a été retiré progressivement. Tu sais, ses libertés individuelles, lui étant juif, bien il n'a pas le droit d'aller à un café, donc aller prendre un café avec quelqu'un dans un lieu public, c'est interdit. Ensuite, c'est interdit de se promener sur le trottoir, puis il y a eu plein d'interdictions comme ça qui se sont faites là, lors de l'occupation allemande en Pologne. Donc, c'est un contexte très restrictif sur le plan social et dans une situation de confinement, une situation où on voit à travers le film, il n'y a pas accès à peu ou pas de nourriture, il devient très maigre au fil du temps. Donc, c'est un aspect où il doit contenir la tension de son milieu, qui est très limitatif, tout en continuant à vivre et à exister. Pas connaître une démission au niveau psychique, dans le sens sombrer dans la folie, mais rester cohérent et en équilibre. Puis ce qui est beau dans le film, là c'est sûr que je vais vous dévoiler le punch, je ne voulais pas l'entendre, là, arrêtez l'écoute tout de suite de l'enregistrement ou mettez-le sur pause, mais sinon je vais vous le donner. C'est qu'en dépit de la guerre, qui se léchonne quand même sur plusieurs années, l'occupation de la Pologne, qui est très dure pour les gens qui sont là, ben ils passent à travers. Puis, par la chute, ben il recommence à jouer du piano, mais il a fait preuve d'une grande capacité de résilience. Puis, il n'est pas mort à travers cette expérience-là, où il y a eu longtemps, dans son cas, il se cachait pour être confiné par rapport à un contexte social oppressif. Parce que c'est sûr que les Juifs étaient amenés dans un ghetto à Varsovie, pour la suite être amenés dans des camps de concentration. Donc sa vie était en danger. Et en danger. Puis c'est ça, c'est un contexte intéressant sous tension. Et puis c'est sûr que moi, je trouve que sa capacité de résilience est admirable. Donc c'est sûr que je n'ai pas vécu quelque chose comme lui. Mais dans le fond, son esprit d'être capable de faire face à une situation de restriction, je trouve ça intéressant. Et puis j'écoutais ça au moment d'entamer le jeûne où je m'exposais d'une manière volontaire. Un contexte de restriction alimentaire dans un contexte social restrictif. Il n'est plus possible de se réunir à Pâques en famille. C'est vraiment pas comparable, là, c'est sûr, à l'Allemagne nazie, on s'entend, là. Mais c'est quand même, pour le Québec, on connaît présentement un contexte restrictif jamais vu. En tout cas, ma connaissance de mon vivant dans l'histoire, là, qui a autant de mesures restreignant sur le plan social en raison de la crise du coronavirus. Sinon, j'ai profité aussi de l'écoute du film, en fait, de série de films, The Hunger Games, que je trouve extrêmement intéressant. J'avais acheté il y a quelques années le coffret. C'est tous des films qui durent environ 2h30 chacun. Donc, ça m'a occupé d'écouter ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tous les enjeux politiques derrière la série de films. Puis l'importance aussi de ne pas croire les autorités. Puis aussi ceux qui se présentent comme étant les rebelles pour amener des solutions. Fait que là, si vous voulez pas que je vous dévoile les punchs, là... Mettez l'enregistrement encore une fois sur pause. Sinon, ben, je vais vous partager ce que je trouve intéressant par rapport à la série de films The Hunger Games. C'est bon, l'histoire du film. Si je fais une brève lecture du synopsis qu'on peut retrouver là, sur le site de Wikipédia, c'est que dans le film, il y a une dictature avec le Capitole qui a décidé d'organiser chaque année un jeu télévisé, les Hunger Games, pour contrôler le peuple par la peur. Les 24 participants au jeu qu'on nomme les tribus sont recrutés en tirant au sort deux adolescents, une fille et un garçon, tous deux âgés de 12 à 18 ans, dans chacun des 12 districts de Panem. Les tribus doivent ensuite s'affronter dans une arène. Un vaste territoire qui mélange éléments réels et virtuels, ville en ruine, forêt fauve, au cours d'un combat à mort, au terme duquel il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Alors, je ferme ici les guillemets. Donc, c'est un extrait là, de ce qui est indiqué sur le site Wikipédia pour décrire la série de films The Hunger Games. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'une rivalité qui est créée de toutes pièces par une instance qui est une dictature qui dirige les différents peuples qui vont être appelés à s'affronter, un peu comme des Olympiques, mais des Olympiques morbides, parce que c'est des combats à mort entre les différents peuples, fait que ça crée une compétition entre les tribus des différents peuples qui vont les représenter dans ces jeux-là. Puis pendant que les gens sont occupés à être divertis, à regarder la compétition, ben il ne s'attaque pas au véritable ennemi qui est le système qui orchestre tout ça. Et c'est sûr, ça me fait penser naturellement à l'adage qui dit « diviser pour régner ». Donc, pendant que les gens sont occupés à focusser sur quelque chose, ben, il y a quelque chose d'autre qui en tire profit en arrière-plan. Donc, c'est sûr que pendant, par exemple, que les gens sont occupés à regarder les Jeux olympiques, ben, pendant ce temps-là, les gens ne sont pas conscients qu'à quelque part, le plan astral qui va manipuler les gens va se nourrir des émotions engendrées par les téléspectateurs qui vont avoir soit un état de joie et d'euphorie lorsque leurs athlètes favoris vont gagner des médailles, ou au contraire, vivre de la tristesse, de la colère, de la déception lorsqu'ils en ont pas. Donc, parce que les peuples vont s'identifier à certains athlètes s'ils ont une mémoire collective, ce qui fait en sorte qu'ils vont donner le pouvoir aux athlètes auxquels ils donnent de l'importance de ressentir de la joie ou de la tristesse en fonction de leur affiliation psychique. Et puis pendant que les gens secrètent des émotions, ben, c'est bon pour le système astral qui peut tirer profit de cette compétition-là entre les peuples. Mais si tous les gens de tous les peuples ou tous les individus, au lieu d'être dans un état de compétition, pouvait contester l'astral pour connaître une émancipation psychique, pour mettre fin à ce parasitage énergétique qui se fait d'une manière subtile, ben à ce moment-là, le système astral s'écroulerait. Et le système qui amène, par exemple, des dictatures sociales où les gens renoncent à leur liberté au nom de la sécurité, puis d'accepter des mesures extrêmement contraignantes socialement, n'aurait pas lieu. Parce que le système astral est maintenu et entretenu par rapport au fait que les gens vibrent à la peur. Et l'un des buts dans la télésérie des Hunger Games, c'est de créer puis d'orchestrer une peur par le système pour faire en sorte que les plus forts des différents peuples soient mis en échec les uns par rapport aux autres. Mais il y en a un qui survit, mais les autres sont éliminés. Donc, pour faire voir aux gens qu'à quelque part, si eux autres sont éliminés, ben à quelque part, sont faibles, etc. Donc, ils peuvent rien contre le système, puis ils subissent le système. Donc, il y a tout un engrenage là-dedans qui est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au fil des films, bien, tranquillement, il y a une rébellion qui se fait par rapport à ça, puis souvent, on va s'imaginer, parce que le cinéma, au fil du temps, a véhiculé des rôles très clivés, hein, c'est quoi les méchants, puis c'est quoi les bons. Fait que là, au début du film, on a l'impression que les méchants, c'est ceux qui gèrent le Capitole, puis les bons, ben, c'est la rébellion, les gens qui s'y opposent. Puis là, au fil des films, on se rend compte de certaines nuances qui s'opèrent, dans le sens que les rebelles qui veulent mettre fin au système de la dictature du Capitole, qui gère les différents peuples, veulent faire cela en disant aux gens, pour qu'ils adhèrent à leur cause, que c'est au nom de la démocratie. C'est pour mettre en place une démocratie qui va remplacer la dictature pour véhiculer l'espoir aux citoyens qu'en adhérant à leur régime, en les soutenant, ben, ils vont améliorer leur sort. Mais le punch, là, je vous avertis tantôt, là, c'est que il y a une erreur qui est faite, parce qu'en réalité, au fil des films, on se rend compte que finalement, la personne qui, entre autres, est à la tête de la rébellion, a pour ambition de créer une autre dictature. Donc, puis elle manipule les gens à cette fin-là, donc de créer une autre dictature qui en remplace une autre, donc faire plus de la même chose. Fait que ça, c'est intéressant pour voir comment que le collectif peut être manipulé au nom de l'idéal. Donc, c'est bien, ce film-là, parce que ça amène des nuances, parce que souvent, il y a les biens, comme je disais, les bons puis les mauvais, les rouges sont très clivés, puis ça bouge pas dans l'histoire. Tandis que là, il y a quand même un mouvement, on s'imagine que les bons, c'est les rebelles, mais finalement, on se rend compte qu'ils sont peut-être pas si bons que ça. Donc, ça amène des nuances. Fait que ça, je trouve ça génial pour ça, cette série de films, les Hunger Games, que j'écoute une fois de temps en temps. Parce que ça me stimule de regarder ça pour être capable de faire une lecture politique de qu'est-ce qui se passe. Parce que présentement sur Terre, si on regarde les choses grosso modo, il y a trois blocs importants. Il y a les États-Unis avec des pays voisins ou alliés traditionnels, si on pense entre autres au Canada. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que si les États-Unis toussent, le Canada va avoir la grippe. Eh bien, on est très interreliés. Toute l'économie canadienne, américaine, très interreliée. Donc, nous autres, on appartient ici, les Canadiens, au bloc américain. Ensuite, il y a comme autre bloc, ben la Russie, puis certains pays qui sont liés avec la Russie, là. Ça peut être des pays qui font du commerce avec la Russie, des partenaires d'affaires, des pays qui ont pu appartenir aussi à l'ancienne URSS. L'ancien bloc de l'Est qui a été dissous là, naturellement après la fin de la guerre froide. Et il y a aussi le bloc de la Chine, puis de certains pays asiatiques alliés à la Chine. Donc il y a comme trois gros blocs. C'est sûr que pendant qu'il y ait par exemple une guerre économique entre le bloc américain et le bloc chinois, les gens, que ce soit ceux qui sont partisans du bloc américain ou celui chinois, ben ils peuvent s'injurier, s'insulter. Tu sais, on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la propagande, puis la façon que sont présentées les choses. Donc, c'est sûr que si on entend dans les médias Donald Trump dire, en parlant du coronavirus, ce virus chinois. Donc, il y a des gens qui vont dire, ça n'a pas de bon sens, il est raciste de dire ça, que c'est un virus qui est chinois. Il y en a d'autres qui disent non, c'est la réalité, le virus provient de la Chine. Fait que là, il y a des débats qui se font par rapport à ça. Mais pendant que les gens vont faire des débats, dans certains cas, être très émotifs, voire hystériques, c'est qui en bénéficie? C'est le plan astral. Donc, pendant que les trois superpuissances, les trois regroupements, les trois blocs jouent du coude entre eux, ben, derrière ça, c'est les entités astrales de haut niveau qui manipulent ces individus-là sur Terre. Quand il y a la crise à l'effet que, la Russie a interféré sur les élections américaines en relation avec l'élection de Donald Trump, ben, il y a des débats, il y a des mouvements qui se font entre les différents groupes. Mais pendant ce temps-là, ben, c'est sûr qu'implicitement, tant qu'il y a des gens qui vibrent émotivement dans une rivalité en relation avec les différents blocs, ben, c'est l'astral qui en profite, au même titre que dans The Hunger Games. Tant que les gens des différents districts qui composent Panem sont en rivalité, en relation avec la structure mise en place par le Capitole, puis le fait que chaque peuple a des individus qui les représentent au Hunger Games, ben, les gens sont divertis. D'ailleurs, il y avait un adage qui disait « du pain et des jeux ». Donc, pendant que les gens focusent sur ces jeux-là, ou les Jeux olympiques, ou peu importe, ils ne s'occupent pas nécessairement de l'essentiel. Les gens ne s'individualisent pas, ne réalisent pas les manipulations qui se font à différents niveaux. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'écouter The Hunger Games, parce qu'il y a certains liens qu'on peut faire avec la politique internationale, puis de voir aussi est-ce que, par exemple, la solution à l'égard d'un type de régime qui peut être apporté va être meilleure réellement que le régime qui était là autrefois. Parce que dans certains cas, ça peut empirer la situation. Voilà où est-ce que je voulais en venir. Donc, le but de l'enregistrement aujourd'hui, ben, c'était faire le tour, entre autres, de votre expérience de jeûne. J'ai mis beaucoup l'emphase là, en début d'enregistrement sur ce sujet. Et puis bon, après ça, je vais amener quelques considérations avec des films que j'ai visionnés. Et en terminant, je vous dis salut, à bientôt.